Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, la peur. Publish or perish. Mobbing, ranking et omerta. Ma carrière allait de toute façon être bousillée si je disais quoi que ce soit. Une unie désunie. Et au moment où j'ai eu un entretien, on m'a demandé quelles étaient mes recherches. C'est une guerre aimable. Un des deux qui m'a dit ce que vous faites, c'est de la merde. Donc tout le monde sait qu'on doit travailler à plein temps, mais tout le monde ne paye pas ses employés à plein temps. Le peuple lettré est dominé par l'envie. Vous ne pouvez pas prétendre à un projet de ce type parce que vous n'avez pas assez de publications. Parce qu'en même temps, ben, si on dénonçait, c'était tellement facile de se faire gicler, donc on accepte énormément de choses. On a énormément de cas qui passent sous le radar parce que ça arrange aussi les institutions d'avoir un radar peu performant. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Alors tout à fait volontiers, je m'appelle Marc Dupuis, je suis docteur en psychologie, maître assistant à l'université de Genève. Je travaille en santé publique, mais préalablement à ça, j'ai travaillé essentiellement à l'université de Lausanne, où j'étais également le président de l'association Acidule, qui est en très résumé le syndicat du personnel et surtout des travailleurs sur des contrats non stables, donc plutôt précarisés, à l'Université de Lausanne. Dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de m'occuper beaucoup de ce qui porte sur les troubles psychiques, la dépression notamment, et la force des choses a fait que aussi les nombreux cas que j'ai vus passer auprès de mes collègues, mes étudiants, voire qui les concernaient directement, ont fait que je m'intéresse d'autant plus sérieusement à tout ce qui touche aux conditions de travail précaires ou précarisantes d'un point de vue psychique. Marc Dupuis, aidez-nous à mesurer à quel point ce milieu dans lequel vous avez travaillé et que vous nous indiquez là est véritablement un milieu totalement méconnu du grand public qui, me semble-t-il, se fait une fausse représentation du milieu universitaire. Mais je pense que le grand public se fait une représentation du milieu universitaire comme beaucoup d'autres milieux qui peut être idyllique, on peut rêver de se projeter dedans professionnellement, mais pour autant, ce milieu, au même titre que beaucoup d'autres, le nombre de places est très limité, est sujet à une pression de productivité, une pression de concurrence, le nombre de personnes qui voudraient avoir votre place, qui est tout à fait énorme. Je pense que la société a évolué dans un sens où voilà, toute place de travail est devenue beaucoup plus précieuse qu'il y a 30, 50 ans. C'est clair qu'on fait comprendre aussi aux caissières que s'ils ne font pas correctement leur travail, on les remplace par une autre personne sans problème, voire même par une machine. Les choses se corsent dans le milieu universitaire et encore plus le milieu universitaire francophone, voire suisse, précisément parce que le bassin de postes à disposition est tellement limité que la crainte qui pèse l'épée de Damoclès, c'est celle d'être grillé dans le milieu et de devoir de toute façon le quitter à terme si on ne suit pas les rails qui ont été posés par le système et qui vont peut-être juste dans le mur. Vous y attendiez-vous vous-même quand vous avez choisi cette voie ? Non, pas du tout. À parler tout à fait franchement, je suis plutôt issu d'un milieu modeste en termes de formation. J'avoue que ça reste un environnement extrêmement épanouissant sur le plan intellectuel, mais avec des contreparties qui sont parfois compliquées. Pardonnez-moi, sont-ce des contreparties que vous avez constatées dès votre arrivée ou en cours de route ? C'est une question des plus pertinente, parce qu'effectivement, les contreparties, on les vit de façon tout à fait directe déjà quand on est étudiant, à savoir que la masse de travail, je le vois aussi en tant que témoin de plusieurs générations d'études et d'étudiants, entre l'époque où j'ai étudié et celle où j'enseigne maintenant, la masse de travail, elle a prodigieusement augmenté, les conditions d'études et de subsides ont également prodigieusement changé, et simplement la quantité de travail pour subvenir à ses besoins à côté des études a également monstrueusement évolué. Je pense à la faculté dans laquelle je travaillais à l'époque, on avait des statistiques tout à fait claires où 50% des étudiants devaient avoir un travail à côté de leurs études simplement pour subvenir à leurs besoins, pas pour avoir des à côté et un peu de l'argent de poche. C'est, ouais. Ça répondait à des besoins de base. Donc ça, c'est déjà une première évolution qui, je pense, enfonce le clou pour les carrières ensuite universitaires. Mais le climat est déjà un climat souvent de pauvreté sur lequel peut venir s'ajouter, vous verrez que j'ai une règle des 4 P, un deuxième P qui va être celui de la précarité à partir du moment où le premier poste qu'on obtient est un poste post-master ou post-bachelor selon le parcours universitaire qu'on a, mais donc un poste à vocation scientifique ou académique. Les choses se compliquent à ce moment-là parce qu'on sait très bien qu'on sort d'une première phase de pauvreté et qu'on n'a absolument pas envie d'y retourner. Et forcément, on est tenté d'accepter un certain nombre de choses qui nous sont demandées, des fois bon gré mal gré, pas par mauvaise foi ou mauvaise volonté de la plupart des patrons, mais souvent parce qu'ils ne sont pas formés à des responsabilités de manager, et pour certaines choses, ils font faux en toute bonne foi. D'autres sont plus malhonnêtes, mais je pense qu'il faudrait pas non plus dresser un tableau où tout le monde est malsain, mais par contre, il y a un réel besoin que l'institution prenne aussi des mesures claires pour former les gens, pour faciliter le confort de travail de chacun. Et c'est dans l'intérêt public, puisque ça augmenterait aussi la productivité, d'avoir de meilleures conditions de travail là où il est facilement possible d'en attendre. Mais d'une certaine manière, j'ai cru saisir, Marc Dupuis, que le verre était dans le fruit, au sens où le nombre de postes qui est à pourvoir dans un espace francophone roman n'est pas extensible à l'infini, lors même que il y a multiplicité, il y a accroissement, augmentation, agrandissement du nombre de postulants. Donc il y a quelque chose qui inévitablement conduit à une situation qui aura pour conséquence de la concurrence féroce, concurrence déloyale, concurrence que sais-je. Effectivement, la pyramide universitaire a vraiment changé de forme, dans le sens où il y a 50 ans, on avait une base beaucoup plus étroite d'étudiants parmi les étudiants qui visaient une carrière scientifique et académique. Là, maintenant, on a quelque chose de beaucoup plus plat, si j'ose dire, avec une énorme quantité d'étudiants à gérer, des conditions de travail en tant que enseignants qui sont parfois aussi compliqués, puisque ça veut dire une énorme demande et un grand nombre de besoins à tenter de satisfaire en une fois. Quelquefois, on souffre dans cette position de ne pas pouvoir faire mieux qu'avec les ressources qu'on a d'ailleurs. En plus, ça donne lieu aussi à des choses tout à fait surprenante. Il y a quelques années, le Fonds national en charge de la recherche scientifique en Suisse avait... C'est lui qui détient les cordons de la bourse. C'est lui qui détient en bonne partie les cordons de la bourse, effectivement. Au-delà des financements cantonaux, voire fédéraux, selon qu'on se trouve dans une EPF ou dans une université, une grande partie des financements, et dans la majorité des cas, des financements de la relève, sont largement entre les mains de cette fondation, je l'appellerai le FNS pour faire plus court, que c'est son terme technique. Le FNS, qui est composé d'un conseil de professeurs, avait pointé du doigt ce qu'il avait appelé la bulle des doctorants, des post-doctorants, et constaté qu'il y avait beaucoup trop de docteurs sur le marché par rapport à ce que le monde universitaire, en tout cas le monde académique classique, pouvait réussir à absorber. Et dans un premier temps, on a essuyé les plâtres, si j'ose dire. On s'est retrouvé face à quelque chose d'ubuesque où ce FNS déclarait « Il y a trop de docteurs, on va lancer une politique où on finance plus de postes de doctorants. » dans un premier temps, ils ont déclaré ça et ils ont très vite corrigé le tir. Vous voyez que le verre est dans le fruit aussi, parce que on a le sentiment par moment, bon, ça fait de nombreuses années, donc je ne tire pas à boulet rouge sur la gouvernance actuelle, mais que, enfin, précisément, il y a un déficit de compétences managériales, puis quelquefois même une absence de vision d'ensemble pour réussir à régler les cas, sans forcément appeler à un protectionnisme, en tout cas une certaine sécurité, une certaine qualité de travail devrait être maintenue, des conditions de base garantie. Et malheureusement, c'est effectivement ce qu'on constate, c'est qu'on a un glissement où les choses sont loin d'être garanties à un niveau de travail suffisant. J'avoue que pour avoir travaillé à l'université de Lausanne, les conditions pour les doctorants sont meilleures que dans d'autres universités suisses, c'est un fait. Mais je pense que toutes sont en train de voir ces conditions de travail se dégrader, avec des objectifs de vitesse, de productivité qui sont tout à fait dangereux et qui conduisent, entre autres dérives, effectivement, à ce qu'on joue des coudes, mais aussi à ce qu'on... Est-ce qu'on soit beaucoup plus tenté de tricher ou d'aller vite dans son travail, au risque de faire des erreurs, qui auront des conséquences non pas réellement pour la personne à court terme, mais pour les personnes qui exploitent de manière secondaire les résultats de recherche, si ces recherches sont fausses. Rien que pour le cas de la psychologie, on a traversé une crise baptisée crise de la reproductibilité des résultats, puisque on arrivait à peu près à 33% des recherches qui, si elles étaient reproduites, aboutissaient au même résultat. Donc on voit que les gens vont de plus en plus vite et arrivent à des conclusions fausses aussi dans leur travail de chercheur. On vit à une époque où le risque de bâcler son travail est probablement beaucoup plus élevé qu'à l'époque d'un Jacques Dubochet, qui lui-même rappelait très volontiers « si je travaillais et que je faisais ma découverte dans les conditions actuelles, je pense que je n'aurais pas le soutien pour arriver jusqu'au bout de mon travail, ni même la reconnaissance que l'on m'octroie actuellement. » Oui, alors, effectivement, je crois que l'émotion de la peur, c'est quelque chose que toute personne qui est à l'université, du moins à l'université dans des pays que j'ai connus, comme la Suisse, la France, l'Angleterre ou les États-Unis, c'est une émotion qui est partagée, je dirais, par l'ensemble des chercheurs et des chercheuses, et de la hiérarchie. L'université, c'est un monde qui est très vertical, très segmenté au point d'être clanique. Vous voyez, c'est, si vous voulez, tout en haut, vous avez les personnes qui sont professeurs, qui ont des bons salaires, qui ont des bonnes conditions, et puis tout le milieu de la pyramide est constitué par des chercheurs et des chercheuses qui peinent à pouvoir être stabilisés et qui travaillent, mais dans des conditions mais de très grande précarité, dans les branches de sciences humaines et de sciences sociales. Mais c'est un fonctionnement qui est très hiérarchique et très clanique. On a des personnes qui sont stabilisées, et puis la majorité qui ne l'est pas. Voilà. Ce qui conduit, finalement, à devoir accepter des tâches et des travaux dans des conditions pas très agréables, c'est le moins qu'on puisse dire, souvent très mal rémunérées, et dans des rapports de collaboration qui sont pas toujours agréables non plus, par peur, effectivement, d'être précarisé. Alors, comme le grand public ne connaît pas bien la situation, est-ce qu'on pourrait prendre un ou deux points d'appui très concrets pour que vous nous racontiez, par exemple, un contrat, combien de temps ça dure, combien on est payé, et puis éventuellement aussi le temps d'attente avant le suivant. Est-ce que le fait d'avoir eu un mandat rassure automatiquement ou pas, ou bien à chaque fois, est-ce qu'on remet les compteurs à zéro et à la fin d'un mandat, on revient à la case départ et on attend le suivant? Oui, alors ça, je pense que ça dépend des personnes et des situations, mais en général, effectivement, on trouve des mandats. Hein, mais je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut préciser, c'est pour faire une carrière à l'université, vous devez produire de la recherche qui se manifeste par le nombre d'articles que vous publiez, mais c'est pas quelque chose qui est rémunéré. Et généralement, vous êtes payé en fonction de vos enseignements, donc vous êtes en général engagé pour pour des charges de cours où vous allez être payé et vous êtes censé faire votre recherche à côté. Donc ces charges de cours qui sont des mandats, non, elles se donnent de 6 mois en 6 mois. Elles sont semestrialisées. Et à la fin du semestre, vous n'avez plus rien du tout. Mais effectivement, du moment que vous avez pu avoir une charge de cours, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous faire confiance dans une autre université et que vous allez être engagé parce que vous allez pouvoir mettre en avant que vous venez de cette université-là qui est un gage de qualité. C'est donc une marche dans un escalier qui, a priori, grimpe. Ce qui s'est passé il y a 5 ou 6 ans, c'est qu'il y a eu un bouleversement du monde académique où davantage d'argent a été accordé à la recherche pour former ce qu'on appelle un troisième cycle, c'est-à-dire des doctorants. Hein, des doctorants. Alors on a formé des doctorants, mais à tour de bras, hein, qui sortent avec des thèses, qui sont extrêmement formés. Et le marché de l'emploi, bah, si vous voulez le nombre de postes disponibles, bah, lui, il n'a pas augmenté. Donc la carrière s'est un petit peu modifiée dans la mesure où on est passé de gravir des échelons à tenir le plus longtemps possible avant qu'une porte ne s'ouvre. Alors quel est l'architecte de ce parfait immeuble ? Oh, non, c'est un ensemble, je ne pense pas qu'il y ait une personne ou un organisme qui est... Il a quand même bien fallu que quelqu'un décide ce nouveau profil de doctorant en fonction du nombre de postes qui existaient. Ou alors on fait comme ça à l'aveugle. Non, je pense que ce qui a changé, c'est le système de ranking qui est devenu très important. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est le ranking ? Le ranking, c'est un classement des universités, puisque l'université n'est plus seulement un service public, hein, mais est considéré comme devoir être rentable, c'est-à-dire former le plus de personnes possible. Et en Suisse, on n'a peut-être pas un bassin de personnes à former suffisamment large, et il faut attirer les personnes des pays étrangers. Et évidemment, c'est pas le début des études qui va être rentable pour les universités. Hein. C'est plutôt le master, où les gens vont payer des écolages qui sont un peu plus élevés et qui va être valorisant pour l'université. Donc, plus vous avez d'étudiants en master et plus vous avez de chercheurs et de chercheuses qui publient des articles dans des bonnes revues, plus ça va augmenter la cote de l'université. Ouais. Qu'est-ce que vous verriez d'autre comme cadre global qui, à défaut d'imprimer immédiatement une peur, quoique effectivement cette tension imposée aux gens, n'est pas sans me faire penser au cadre artistique. Vous voyez, il y a quelques vedettes qui jouent, qui sont remarquablement bien payées, dont on peut dire que leur avenir, sauf accident, hein, est relativement assuré. Tandis qu'en dessous, et encore plus en dessous, et encore plus en dessous, on rame, on est à la petite semaine, on est prêt à se battre pour avoir des choses. Si on doit rajouter un cadre, un niveau de plus à moyenne altitude, qu'est-ce qu'en plus de ce phénomène des rankings et des publications, on pourrait ajouter d'après vous ? Alors, écoutez, là j'ai parlé au niveau un peu des structures, la façon dont les études et l'université s'étaient un petit peu réorganisées au niveau de l'université même. Mmh. Mais je pense qu'il y a la volonté de garder certains privilèges de la part des personnes qui sont en haut de la pyramide. Mmh. Donc, qui ont avantage finalement qu'il y ait un grand bassin de population disponible et de maintenir ces personnes dans la peur, oui, pour pouvoir obtenir une compétition entre les chercheurs et les chercheuses qui fait que on améliorerait la comptabilité et puis au niveau, je dirais, des individus, ben, y a l'illusion ou le rêve qu'on puisse parvenir un jour, nous aussi, en haut de la pyramide. Alors, je vous propose d'essayer de considérer ça comme une situation positive et stimulante, c'est-à-dire probablement cruellement darwiniste, mais permettant au fond à celle ou à celui qui en veut le plus, qui est décidément le plus acharné, peut-être le plus inventif, le moins fatigable, finit par obtenir le Graal. Cette situation, après tout, on peut se poser la question, pourquoi pas ? Vous avez complètement raison. Absolument, c'est-à-dire que c'est très stimulant. Il y a énormément d'avantages aussi dans une carrière académique. Il y a une liberté, moi, que j'ai retrouvée nulle part ailleurs. Hein. Il y a une stimulation intellectuelle, parce que vous rencontrez des personnes, bah, évidemment, qui sont extrêmement intéressantes. Vous échangez sur vos travaux, vous écrivez, ou vous enseignez aussi. Donc, il y a quelque chose de très intéressant, de très stimulant. Et avec une certaine liberté. Mais, car je sens qu'il y a un mais. Absolument. Mais c'est au prix d'une très très grande précarité. Précarité des revenus, où une charge de cours est payée 1400 francs par mois sur un semestre. Et puis en général, on ne touche pas à l'argent à la fin du mois. Vous touchez l'argent à la fin du semestre, tout simplement, parce que vous êtes payé à l'heure. Donc si vous êtes malade ou que vous ne venez pas pour une ou deux périodes, vous n'êtes pas payé. Donc on vous paye à la fin pour comptabiliser le nombre d'heures que vous avez pu faire. Bon, mais alors comment on fait pour vivre quand on a, et en plus pas tout de suite, 1400 francs par mois? Soit vous les empruntez auprès de vos proches, parce qu'évidemment ça fait des années que vous êtes dans cette situation, donc il y a très peu de possibilités de mettre de l'argent de côté. En général, vous n'avez pas de ce que j'appellerais le deuxième pilier, vous n'avez même pas de troisième pilier, vous débrouillez pour avoir des gens autour de vous qui peuvent vous avancer la somme que vous remboursez ensuite. Moi, j'ai aussi rencontré des personnes, j'ai eu de la chance, des professeurs extrêmement compréhensifs qui se débrouillaient pour avancer de l'argent personnellement. Donc on peut faire ça une fois, deux fois, trois fois en étant professeur, mais ça peut pas se généraliser, on peut faire ça tout le temps. Non, effectivement, non. Donc là, on comprend bien que c'est le système D et la lutte pour la survie. C'est la lutte pour la survie et le système D. Marc Dupuis, y a-t-il d'autres cas où la peur pèse? Vous avez notamment indiqué dans votre courrier cette question du dumping salarial. Est-ce que vous pourriez nous indiquer un peu de quoi il retourne? Là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire. On a malheureusement une pression qui est très très forte dans les différents cantons romands. L'état des finances des cantons font que forcément les conditions de travail peuvent largement différer. À Lausanne, où les pratiques étaient plutôt bonnes, on a de nouveau eu une affaire assez importante à l'horizon de 2017, cette fois avec toute une faculté qui s'est mobilisée puisque les post-doctorants de plusieurs laboratoires se retrouvaient payés à temps partiel pour travailler à plein temps. Et là, il faut aussi rendre grâce aux politiques. C'est quelque chose qui, après une enquête qu'on a menée justement à l'aide d'instruments pour quantifier à grande échelle le problème, on a obtenu comme résultat direct et d'une grande efficacité l'intervention de Madame Amarel, nouvellement en place, qui a dit « Pour moi, il est clair qu'on devrait régulariser cette situation et qu'il y a eu, un flottement ». Notre enquête montrait qu'effectivement plus d'un post-doctorant sur deux avait été au minimum incité verbalement à travailler plus que sur son temps contractuel. Et quand vous dites plus, pour qu'on en ait la mesure, c'est de quel ordre? Dans certains laboratoires, les gens étaient payés à 70% pour travailler à plein temps. Certains avait la possibilité de travailler moins, mais tout le monde avait cette pression, et en même temps, c'était quelque chose de véhiculé par une institution qui dit, de toute façon, il n'est pas envisageable de faire une carrière académique à temps partiel. Donc tout le monde sait qu'on doit travailler à plein temps, mais tout le monde ne paye pas ses employés à plein temps. Et ça, c'est quelque chose qui nécessiterait d'être corrigé. Évidemment, ça créerait d'autant moins de postes, puisque les ressources sont pas illimitées, mais ça diminue aussi les désillusions de personnes qui sont dans cette partie de la base qui est tout en bas des salariés universitaires, qui sont beaucoup plus nombreux à jouer des coudes. Là, au contraire, on en sélectionne un peu moins, mais on leur accorde une plus grande confiance, un plus grand soutien matériel, donc de plus grandes chances de réussite et d'aller loin, d'être efficace et d'apporter quelque chose de concret à la société, pas uniquement coûter en burn-out et en arrêt maladie. Parce que c'est vrai que je parle en qualité aussi de personne qui travaille maintenant en santé publique, qui dit peur dans les universités, avec toutes les formes de mauvais comportements que j'ai évoquées, dit également coût pour la société. Marc Dupuis, vous a-t-on témoigné qu'il était extrêmement difficile de témoigner? Tout à fait. Et le premier témoignage que je vous faisais de cette jeune femme, c'est précisément celui d'une personne qui est venue demander conseil, mais qui n'a pas souhaité témoigner, qui n'a pas souhaité donner de suite interne, et n'a pas non plus donné de suite externe légale. Alors que quelque part, les institutions publiques se sont dotées de beaucoup d'instruments pour essayer de traiter les plaintes à l'interne, souvent avec un cumul de casquettes que je trouve tout à fait dangereux. Alors par que exemple. Par exemple, on peut se retrouver à devoir se plaindre d'une personne qui est ou le conjoint de la personne qui va vous recevoir pour traiter la plainte ou un collaborateur direct, ce qui fait que les structures existent sur le papier, on a satisfait à des objectifs politiques, mais fondamentalement la mise en application pêche, alors que quelque part c'est plus coûteux pour les victimes mais plus efficace de passer par une justice externe, par la justice civile voire pénale, par les prud'hommes, quand bien même les moyens de correction sont relativement limités, mais au moins la justice est plus impartiale et beaucoup plus indépendante. Certains pratiquent ce qu'Henri Laborit appelait l'éloge de la fuite, d'autres choisissent de rester dans des conditions telles qu'elles ont été évoquées, à savoir de pression ou de harcèlement multiple, peut laisser supposer que des maladies de facteurs psychosomatiques se mettent en route. Est-ce que là encore, vous avez pu observer des cas de gens qui ont choisi de résister, de rester, et qu'ils l'ont fait aux dépens de leur propre santé, qu'elle soit physique ou morale? Alors, j'ai pu l'observer, mais en plus de ça, je peux le dire sans grande difficulté, les recherches sur l'état de santé mentale des chercheurs, et notamment des chercheurs de niveau doctoral, sont assez claires sur le fait qu'on a une proportion assez élevée de troubles, notamment de troubles affectifs, dépression, fonctionnement plus anxieux que la moyenne. C'est malheureusement un effet de ce climat très pesante, cette pression très très forte, et si la focale est largement sur les doctorants qui sont beaucoup plus dans des positions exposées, mais aussi beaucoup plus dans des positions où ils peuvent ensuite déposer plainte, j'ai peu parlé des professeurs, mais je pense que c'est aussi un climat de peur qui s'installe quelque part quand on est dans la fuite et que l'on sait pertinemment qu'on a tel ou tel collègue qui est problématique et que pendant des années on était juste à côté et qu'on n'ose rien dire. On a à la fois la peur que ça se sache parce que quelque part on a été un complice involontaire et puis en même temps quelque chose de l'ordre de la honte. Je pense que tout le monde vit mal le fait qu'il y ait des mauvais comportements. C'est pour ça qu'un recadrage serait de toute façon utile à tout le monde. Demain, la suite de notre semaine consacrée à la peur au travers des témoignages recueillis sous couvert de l'anonymat et l'analyse de ces situations que nous en apporte le docteur en psychologie Marc Dupuis, ancien président de la société Acidule, association du corps intermédiaire et des doctorants et doctorantes de l'Université de Lausanne. Histoire vivante vous a été présentée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté, dans lequel vous retrouverez demain d'autres développements du sujet.